commence à me faire chier. Mon enfoiré de patron, augmenter la production. Je n'en ai rien à branler. Et puis son usine de merde qui pue et qui pollue pour fabriquer des obus. Bah il peut se la foutre au cul. Et aussi Danny Desrues, il commence à me faire chier. C'est vraiment un enfoiré à me piquer toutes mes idées. Je me casserai bien à Rio en voyageant en bateau pour ne plus voir vos gueules et pour danser la samba. La samba, la samba, la samba, c'est sympa. La samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba, c'est sympa. La samba, la samba, Copacabana. Elle commence à me faire chier, ma pétasse de copine, à mater des films de cul. Elle pense vraiment qu'à la bite et ses portes chartelles de pute. Et bah ils me font pas bander. Et ses soutiens-gorge en dentelle, c'est carrément démodé. Et mes connards de voisins, je crois qu'ils aiment pas la musique. Mais comment leur faire comprendre que le rock'n'roll ça s'écoute fort? Je me casserai bien à Rio en voyageant en bateau pour ne plus voir vos gueules et pour danser la samba. La samba, la samba, la samba, c'est sympa. La samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba, c'est sympa. La samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba, la samba, la samba, wow, la samba, la samba, la samba, c'est sympa, la samba, la samba, Copacabana, la samba, la samba, la samba, c'est sympa, la samba.